rap, punk, artec ou reggae music. T'as toujours une chanson anti-flic. Encore une fois, une musique engagée rebelle. Les noms sont les mauvais, quelques noms ramassent à la belle. Maintenant explique-moi pourquoi policier rime avec préjugé. Demande-toi pourquoi comico rime avec facho. Là j'en avais pas bonheur. Plus d'abord que des malheurs. La jeunesse n'est pas le bonheur. Plus d'abord que des malheurs. Parler de radio policière, ça devient tellement courant qu'on y classe en fait divers. Si t'es dans l'excès, qui t'es plaint en débit en danger, qui t'en sortira avec une amende à payer. Mais si j'ai black ou rebeu avec possession de R, c'est comico à poil, un grand coup d'annulaire. Si tu trouves c'est la juste, lève ton bras en l'air. Ça choque les gros femmes comme toi, j'en mets des coups dans le derrière. Là j'en ai fait pas d'honneur. Puis t'as manqué des valeurs. Là j'en ai fait pas d'honneur. Les gendarmes nous empêchent vers la Tawa. Ils en veulent trop alors que ça ne les gênait pas. Stuffer, racailles, squatter ou même drogués, toujours persécutés par les condés. Pourquoi à la télé les gens adorent les policiers alors que dans la réalité il est à quelqu'un qui doit tourner. Parce que c'est des rappels, des dégonflés. Personne n'aime les gueules, personne nous avoue. Monsieur, est-ce que vous avez vos papiers? Comment ça vous n'allez pas vous battre? Mais vous n'allez pas vous battre, hein? Vous n'allez pas vous faire non plus? Vous n'avez pas de weed, c'est ça? Hein? Vous n'avez pas de weed, vous? Pas de weed? Non, pas de weed! Vous n'avez pas de weed? Weed? Non, mais pas de weed! Oui! Là, j'en ai même pas de bonheur! Évidemment que des malheurs! Là, j'en ai même pas de bonheur! Bonjour monsieur, vous voulez bien nous suivre s'il vous plaît? Nous sommes la brigade anti-criminalité. Vous présentez vos papiers? Ah des papiers j'en ai plein, j'ai des canfons, j'ai des crépants, j'ai des crafts. Mais arrête-le. Vous vous foutez de notre gueule, les gardiens de la paix monsieur. Je crois que votre compte est bon pour la loi de famille monsieur. Allez on l'embarque.